Música i companyia, i com no, la música que sigui en francès. Music, hola, la music, el vostre programa que us porta Rafael Corbí per escoltar cançons, vinguin d'on vinguin, però això sí, cantades en francès. Anem a gaudir de bona música amb els propers minuts de brillants artistes de l'actualitat, del passat i de diverses companyies. Ja fa uns quants programes que us oferim, de tant en tant, cançons de Julien Clerc, i avui no serà una excepció. Un parell de temes que ens arribaran amb bona música i amb bona companyia. Rafael Corbí, com sempre, al vostre costat. Un parell de les cançons que avui extraurem de Platinum Collection, de Julien Clerc, i que pertanyia amb el segon volum d'aquestes edicions del cantant nascut el 4 d'octubre del 1947 a París. Si un jour tu veux revenir sans mots, sans pleurs, sans même sourire, négligemment et sans te retenir, sans farder du passé tout l'avenir. Le soir quand je te vois sourire sur cette photo qui ne veut rien dire, sous ta vieille lampe qui tremble et chavire, tu viens grimacer dans mes souvenirs. Maintenant comme avant, doucement, sans pâlir, sans mentir, sans souffrir. Aujourd'hui, je te dis, souffrir par toi n'est pas souffrir. C'est comme mourir ou bien faire rire. C'est s'éloigner du monde des vivants. Dans la forêt, voir l'arbre mort seulement. Comme un jour tu viendras sûrement dans ce salon qui perd son temps. Ne parlons plus jamais de nos déserts. Et si tu restes, je mets le couvert. Maintenant comme avant, doucement, sans pâlir, sans mentir, sans souffrir. Aujourd'hui, je te dis, tous les voyages ne veulent rien dire. Je sais des choses qui te feraient rire. Moi qui entassais des souvenirs par paresse, ce sont tes vieux chandails que je caresse. Maintenant comme avant, doucement, restons-en présents pour la vie. Aujourd'hui, reste ici. Ça commence comme un rêve d'enfant. On croit que c'est dimanche et que c'est le printemps. Toi et moi, on s'en va regarder le soleil sous les branches et puis parler de toi. Toi et moi, si tout change et change, il y aura des étés pour toi et pour moi, tu verras. Ça ressemble à un rêve d'enfant. On croit que c'est dimanche et que c'est le printemps. La radio donne enfin des nouvelles, nouvelles, et nous parle enfin un peu de toi. Si tout change et que c'est dimanche et que c'est le printemps. Dues de les cançons que hem escoltat de Jeanine Clarke des d'aquest àlbum que us comentàvem, bones cançons d'aquest intèrpret que ens acostava a nosaltres la seva música. Ha estat la primera de les cites amb el programa d'avui de la Musique. La segona és amb la Norma, una de les nostres col·laboradors habituals, que avui ens portarà dues cançons recomanades de Michel Vergier, el marit de la France Gall, que sempre obre el nostre programa, el compositor més que cantant, li sembla la nostra col·laboradora, amb una modesta opinió que realment és prou interessant. Absolutament brillant, però el Michel Vergier va morir massa aviat. Aquestes són algunes de les cançons que a la nostra col·laboradora li encanten i que avui escoltarem. Dues peces d'en Michel Vergier, del compositor, productor, arrangista, pianista i cantant, que va néixer el 1947 i que va morir el 1992.

Així hem començat amb dos clàssics, Jolin Clark i Michel Verger, amb la col·laboració amb la Norma, amb aquest darrer artista al nostre programa. És el moment de l'Àngel Rodríguez i la seva col·laboració setmanal. Benvingut, Àngel. Hola, què tal, Rafael? Com estàs? Avui et recomano una cançó preciosa d'un home nascut l'any 1943 a Sicília, però que, de ben jove, va emigrar amb els seus pares a Bèlgica. No necessita massa presentació. Salvatore Adamo, amb una de les seves grans cançons, Tomba la neige. Aquí, a l'estat espanyol, aquesta cançó es va traduir com Cae la nieve i va ser treta l'any 1963. Espero que us agradi. Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige, et mon cœur s'habille de noir. Ce soyeux cortège, tout en larmes blanches, l'oiseau sur la branche pleure le sortilège. Tu ne viendras pas ce soir. Me crie mon désespoir. Estàs escoltant Olala Music amb Rafael Corbé. Ce soir je te laisse partir. Ce soir je te laisse partir. J'ai pleuré tant de fois. Ce soir tu ne verras pas, comme j'ai peur de ne pas m'endormir près de toi. Ce soir je te laisse t'enfuir. Ce soir je te laisse t'enfuir. Je ne vais pas mourir, non. Ce soir je vais m'endormir avec un vieux t-shirt à toi. Je te laisse partir. ce soir je te laisse partir. De quoi ai-je l'air? La nuit vient juste d'avaler tes pas, et j'ai peur de ne pas m'endormir près de toi. Ce soir je te laisse partir. Ce soir je te laisse partir. Je vais m'enrouler dans le t-shirt Campbell Soup délavé que t'avais ramené ton papa. Ce soir je te laisse partir. Je suis anéanti, je suis dévasté. C'est drôle, je regarde la chambre vide me regarder. Ce soir je te laisse partir. Ce soir je te laisse partir. Ton polostère sur la table ouverte, la moitié de ta cigarette sur le rebord du cendrier, et cette peur de ne pas m'endormir dans tes bras, j'ai envie de chialer. Així escoltem a Cali, o Bruno Caliciuri, nascut a Perpinyà, el 1968, un personatge emocionalment desbordant, honest, real, amb un univers vertiginós que ens revela realitats, tragèdies íntimes, explicades d'una manera crua, directa. I de vegades es pot pensar que pot pecar d'innocent, de romàntic, de sentimental, massa bona persona, amb un cor que li surt del pit. Cali vol més als altres del que s'estima a si mateix. Cali és un llop bo. La seva música és un folk rock. Es barreja molt bé amb les seves lamentacions, culpabilitats, decepcions, paraules que surten a pilons de la seva boca. Aquest amor boig que fa mal, que pateix, que desequilibra. Aquest amor trobat, perdut, idolatrat, idealista. Això és una de les crítiques que sorgia amb el blog La Paella, que ens parla de música en francès i que ens porta temes d'aquest bon personatge. Avui l'escoltem a través de Vernelles Vents, el seu àlbum publicat el 2012. Aquest perpinyanès ens porta diverses de les seves extraordinàries interpretacions. Fichez-moi la paix, mes vieux cinglés, ne me courez plus après, ne cherchez pas à me revoir, fichez-moi la paix. Je vous laisse, mes vieux cinglés, bourrez-vous la gueule tant que vous voudrez, battez-vous, cassez tout ce que vous pouvez. Je ne veux plus en être, mes vieux cinglés, vous étiez mes parents. Et je me suis allongé tous ces soirs en rentrant de l'école dans votre maison, ma petite chambre, ma prison, mais je ne peux plus, non. Fichez-moi la paix, mes vieux cinglés, brûlez tous les bouts de moi qui traînent encore, tous les souvenirs, mes anniversaires ratés où vous vous battiez encore. Roulez tout, moi je l'ai déjà fait. Quand vos insultes volaient comme des pierres à travers la maison, mes vieux cinglés. J'ai eu ma dose de mal au ventre quand vous hurliez, quand vous hurliez. J'ai tellement prié pour me réveiller dans un autre lit. Pourquoi les gens hurlent et se blessent? Pourquoi? Un enfant ne devrait pas se poser ces questions-là. Lui, elle est folle, elle, il va me tuer. Brûler tous mes vieux cinglés. Moi, je l'ai déjà fait. Un enfant a besoin près de son petit lit d'une lumière tendre, et au bord du sommeil d'une histoire qui se termine dans l'amour, qui se termine dans l'amour. Décidé, vaincu, notre amour était perdu, étouffé, ivre mort, la tête dans les poubelles. Quand je t'ai regardé partir comme un point au bout de la rue, j'ai pensé, mon Dieu, qu'elle est belle. Dans le silence de cette nuit, j'ai embrassé la solitude comme un vieil ami. Ce soir je prie pour que tout redevienne comme avant. Ce soir je prie pour que tu me serres à nouveau dans tes bras, que tu m'étouffes encore dans un baiser d'adolescent. Tu me manques tellement. Tu me manques tellement. Tu m'offrais ton amour et ta bonté. Moi je dansais avec les morts et je couchais avec tous les souvenirs jaunis. Je voulais me noyer et tout perdre à nouveau, tout perdre encore. C'était tellement plus romantique de finir seul et de hurler à la lune que l'amour m'avait tué. Ce soir je prie pour que tout redevienne comme avant. Ce soir je prie pour que tu me serres à nouveau dans tes bras, que tu m'étouffes encore dans un baiser d'adolescent. Tu me manques tellement. Tu me manques tellement. Ce soir j'ai bu tout ce vin, mais je ne vois toujours pas ce qui se cache derrière la lune, derrière le vent. Tu me manques en crever. Tu me manques en crever. Tu me manques, tu me manques tellement. Si un soir tu ouvres tes volets, je serai juste là derrière. Ce soir je prie pour que tout redevienne comme avant. Ce soir je prie pour que tu me serres à nouveau dans tes bras, que tu m'étouffes encore dans un baiser d'adolescent. Tu me manques tellement. Tu me manques tellement. Tu me manques tellement. Tu me manques. Música en francès en podem trobar arreu del món. Estrany seria el lloc on no en poguessin trobar, sobretot a causa de que la cultura francesa durant moltíssims anys ha estat la més apreciada arreu del món, i com molts països van obtenir la independència, França era el lloc on mirar-se, on emmirallar-se per molts i per moltíssima gent, i el francès era l'idioma que es parlava pràcticament a tot arreu del món, després substituït per la cultura anglesa. Però això ens fa descobrir que si el francès seria la llengua vehicular de les músiques del món arreu de tot el planeta, gairebé. Ciril, tu hi entens molt. molt d'això. Hola, Rafael, hola a tothom. Doncs no sé si és el francès és la llengua vehicular de les músiques del món, però que és una llengua clau, efectivament, perquè és una llengua que, a més, doncs, ha tingut influència musical en el continent africà, evidentment, en tot el Magreb, nord d'Àfrica, i també doncs, el que seria les Antilles, que no seria segurament la part més gran del que entenem com Amèrica Llatina o el continent americà, però sí que amb una influència musical fortíssima. Haití, tot el que són les Antilles, Guadeloupe i aquestes coses, doncs tenen una tradició musical brutal que entronca també amb la música més en anglès o amb tot el que és... Són països petitíssims i, en canvi, una producció musical però bestial. Absolutament fantàstica. També han sigut la porta d'entrada de moltes coses, o la combinació de moltes coses, i això, doncs, musicalment sempre és una riquesa. En aquest cas, ens anem amb un... En un cas així, també, perquè es parla del mite de l'Andalus i de la ciutat de Toledo al segle XIV i XV, com un punt d'integració entre cultures i entre religions, de quan convivien i cohabitaven doncs, jueus, musulmans, cristians, i efectivament doncs, aquest mite existeix, però n'hi ha d'altres molt més propers a nosaltres, i, per exemple, com seria el nord d'Àfrica, el que seria Marroc, Argèlia, Túnez principalment, com en durant el segle XX, arrel de la colonització francesa, cert, però van conviure realment les tres religions i més enllà de la cohabitació. Jo una anècdota, ja que estava en un programa sobre la música francesa, que m'agrada molt explicar, i és que el verb conviure en francès no existeix. Hi ha el verb cohabitar, però la convivència, d'això que nosaltres coneixem tant... I que diem que ens omplim la boca de la convivència. No, també, no? I certament en sabem molt més del que ens pensem. A França no el tenen perquè no conviuen. A França es cohabita, i les diferents cultures o les diferents idees han cohabitat en pau, l'un al costat de l'altre, però barrejant-se doncs, molt poc. En aquest cas, com us deia, Argèlia, Alger, la capital, anys 40-50, després de la guerra, quan s'ajunta doncs, tot el que és la influència americana que ja arriba a Europa, i per tant també les colònies. Les colònies que van sortir de la Segona Guerra Mundial doncs, molt menys destruïdes, lògicament, que el que era el continent europeu, i es van ajuntar doncs, el que era la cultura occidental, la cultura americana que començava a instal·lar-se realment, amb la tradició doncs, musulmana àrab i amb les seves, doncs, també, totes les seves immigrants que hi havia, principalment espanyols, tota una comunitat espanyola, la gran majoria de ciutats del nord d'Àfrica tenen catedral d'aquelles èpoques, i la cultura jueva abans de l'any 59, quan es forma l'estat d'Israel, que és quan comencen a marxar tots cap a Israel. Tot això per arribar a parlar de l'Ili Bonish. L'Ili Bonish... Ha estat una excel·lent introducció. No sé si ha estat excel·lent, però en tot cas ha estat extensa. L'Ili Bonish és un dels grans referents. Jueu argelí, avui em penso, doncs, deu estar proper als 90 anys, pianista, que va heredar tota aquesta tradició dels cabarets, que eren, doncs, antres de perdició, literalment, on es bevia i on es ballava i on es cantava, i on s'ajuntava tota aquesta tradició oriental, arabo-andalusa en molts casos, es juntava la música europea, es juntava el jazz que començava a arribar, i tot això doncs, amb tota la tradició també jueva musical. El resultat al piano era fantàstic, i avui dia d'avui gent com Lili Bonish o Maurice Meduni encara estan expandint tota aquesta... patrimoni musical. Lili Bonish, amb un tema que parla d'aquesta diversitat i d'aquesta convivència, un dels seus grans clàssics, que és Il n'y a qu'un seul Dieu, només hi ha un Déu. Qu'un seul Dieu Rabbi Wahad il

companyia d'en Cyril, sempre excepcional, sempre diferent. Lili Bonish, amb aquesta cançó que ens portava i amb tota la seva explicació. Anem amb més música, estem ja a la recta final del nostre programa, abans de la col·laboració d'aquí un parell de temes d'en Hamid. Escoltarem a Alonso, en primer terme, amb una cançó de l'àlbum 100% de 2017 i després a Renaud amb Le Retour de Gérard Lambert. Viens, on arrête de parler, ça sert à rien, y'a du monde, gros. Viens, on sort. Tu fais chauffer, tu parles avec des grands gestes, mais t'es qui, gros? Viens, on sort. Viens, on arrête de parler, ça sert à rien, y'a du monde, gros. Viens, on sort. Tu fais chauffer, tu parles avec des grands gestes, mais t'es qui, gros? Pas les couilles, nous y'a des gars qui nous fouillent. Je suis avec des trentenaires, ça coche sur du Dortmund. Pas les couilles, on te nanana sans cagoule. On va te laisser par terre et te dire ça n'a mal les couilles. Fais le fou, et dire que tu es bon au foot. On va t'en mettre deux, trois dans les jambes, je te conseille, prends la route, prends la route, prends la route. Tout le monde va se mêler dans l'embrouille. Tout le monde est ouais dans la foule, à la foule, à la foule. Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre? J'rappe en comorien, tu comprends pas, mais tu te tords le cou. J'suis là, mais je t'esquive, j'ai la boque au bois un coup. Tu as un succès d'estime, et tu te crois dans le coup. C'est la guerre, belvédère, les tuins ont le cul en l'air. Je jette mes loups au bout du pic, ton rappeur l'aimé, ça pue sa mère. T'as des likes sur Insta, et si t'es pas aimé, mon frère. C'est A-L-Z, C-Z, dans mon morceau, j'suis millionnaire. Gros, viens, on sort. Viens, on arrête de parler, ça sert à rien, y'a du monde, gros. Viens, on sort. Tu fais chauffer, tu parles avec des grands gestes, mais t'es qui, gros? Viens, on sort. Viens, on arrête de parler, ça sert à rien, y'a du monde, gros. Viens, on sort. Tu fais chauffer, tu parles avec des grands gestes, mais t'es qui, gros? Bon, je commence à faire la ploume ou... Je tire la courte paille. Mamé, qui veut test? Ça tombe bien. Aujourd'hui j'ai pas encore graille. Je peux bouffer le game sur place mamé, mais vu que j'ai pas le temps, je passe par le drive. Hein? Ferme-la, ferme-la, hey. Ferme ta gueule, ferme ta gueule, ferme ta gueule, gueule, gueule. Gueule de bois, gueule de bois, gueule de bois, bois, bois. Bois d'argent, bois d'argent, bois d'argent, Jean, Jean. J'entends tout, j'entends tout, j'entends tout, tout, tout. Tout est mort, tout est mort, tout est mort, mort, mort, mort. La banlieue peut s'endormir tranquille. Il se passera pas grand chose dans ces ruelles noires. Ce soir, le fils maudit des grandes cités dortoirs est parti pour Paname dans sa Sim Camille. Il va y avoir du sang sur les murs de la ville. Alors cessez de rire, charmante Elvire. Y'a un espèce de chien, un vieux loup solitaire qui se dirige vers Paris, son nom Gérard Lambert, tatatin. Lambert c'est un héros, alors il peut pas mourir. Avec lui c'est le retour de la grande aventure. Celle qui fait hurler, celle qui fait frémir. Dans la nuit, dans le vent et dans la froidure. Dure. C'est pas fini. Il est tranquille, peinard, au volant de sa bagnole. Il s'écoute Cap de Vielle sur son autoradio. Musicalement, il adore, surtout les paroles. Quoique des fois, il trouve que c'est passé un télo. À travers l'essuie-glace, il y en a qu'un qui fonctionne. Il voit la pluie qui tombe sur le périphérique. Il a raté la sortie, le v'là dans le bois de Boulogne. Il est complètement paumé dans ce lieu maléfique. À paniquer, puis surtout il s'énerve. Il avait un rancard à Paris avec une meuf. S'il arrive à la bourre, il a perdu l'affaire. Il manquerait plus qu'il se fasse arrêter par les keufs. Ça continue, attends. Ça fait maintenant une plombe qu'il se perd dans la nuit. Voilà le brouillard qui tombe, c'est normal, c'est l'hiver. Pour l'ambiance de la chanson, faut des intempéries. Un climat sordide comme dans les films de guerre. Dans la lueur des phares, tout à coup, soudainement, voit passer une silhouette sur le bord de la route. Enfin un être humain, se dit-il en lui-même. je vais demander mon chemin à cet amant des routes. L'Arelsa cime Camille auprès d'un arbre en bois, et à pied dans la nuit, sous la pluie qui ne cesse, s'enfonce dans la forêt, poursuivant la gonzesse, car c'en est une, c'est sûr, son instinct ne le trompe pas. Jeune, elle est belle, toute vêtue de rouge, les cheveux ruisselants sur son visage d'ange. Bon sang, se dit Lambert, le petit chaperon rouge. Je suis un loup solitaire, qu'est-ce que je fais? Je me la mange. Il imagine déjà dans le panier de la donzelle le petit pot de beurre pour grand-mère et la galette. Manque de bol, elle avait dans son panier de dentelle deux pauvres petites madeleines et une demi-baguette. Non, si, si. Ok, tu viens, chérie, pour toi ça sera 10 sacs. À ces mots, le Lambert flaira un peu l'arnaque. Il éclate à la tête de cette créature et s'enfuit dans la nuit vers d'autres aventures. C'est fini, la chanson. Els oients del nostre programa ja saben que quan arriba aquesta música de Soha ja arriba també la tria setmanal amb el nostre programa del nostre company amic Hamid, que una vegada més ens acosta amb la seva selecció musical. Ceci en notre ami Hamid. Bonjour, nous avons ici le légendaire. Je peux toujours pousser cette ligne-là de l'orchestre Baobab, qui existe depuis longtemps, et c'est un groupe du Sénégal, et la chanson c'est Aline, de leur indispensable album, à mon avis, Made in Dakar. Thank you. semblable à l'univers. Oui, mon univers, car tu es à moi. Sois mon amante et ne pense qu'à l'amour. C'est l'âme de l'univers. Oui, mon univers, car tu es à moi. Oui, mon univers. Música preciosa per ballar juntets, en veritat. A mi no ho rappel, Kishan. Qu'elle devait aller, elle devait être vraiment très, très, très charmante, cette, de trouver, préparer une chanson pareille. C'est Aline avec orchestre Baobab. Doncs acabem el programa d'aquesta setmana després de la col·laboració d'en Hamid i aquest tema destacadíssim que ens portava, i ho fem amb el cant de la Bàrbara. La Florel ens portava aquesta cançó com a una de les peces que voldríem sempre recordar, però notem-ho que acabi d'aquesta manera. Algú dirà que és un tema massa car, que és del 1931. No us ho perdeu pas, això. Florel, hola la music. Fins la propera. J'avais ma vertu, tu l'as eu aussi, t'en souviens-tu? Je m'étais souvent figuré le moment où viendrait vers moi le premier amant. S'il avait de l'argent, s'il était charmant, même en semaine, et si son col était blanc, refusant ma chance, je savais d'avance que je lui dirais non. Simplement sans baisser les yeux, j'ai dit non, toute tranquille. Lune, pourquoi briller sur la ville? Et toi, bateau, danser sur les flots bleus. Mon cœur est silencieux. Il vaut mieux, bien mieux, ne pas forcer son cœur pour l'amour. Je n'ai pas de raison jusqu'au jour où passe le bonheur. Le seul mot à dire, le seul, c'est non. Enfin, un beau jour où le ciel était clair, vint celui qui ne m'a rien offert. Sans me saluer dans la chambre, il entra, sur mon lit son chapeau il jeta. Il n'avait pas d'argent, il n'était pas charmant. Même le dimanche, son col n'était pas blanc. Il n'a pu m'offrir qu'avec lui de souffrir, mais je n'ai pas dit non. Simplement sans baisser les yeux, j'ai dit oui, toute tranquille. Lune, brille pour nous sur la ville. Bateau, fais-nous danser sur tes flots bleus. Mon cœur n'est plus silencieux.